Du coup, alors moi, je suis Hugo Henriquin-Madec, je suis économiste à l'ENS Paris-Saclay maintenant, dans un laboratoire qui s'appelle IDHES. Et je suis membre d'un collectif de recherche qui s'appelle ACI, qui travaille sur les transformations de l'enseignement supérieur avec des sociologues et des économistes. Et je m'intéresse à ce que produit la quantification, la mise en nombre, au sens de Alain Desrosières, j'en parlais dans quelques instants, sur l'enseignement supérieur et la recherche, dans une optique d'économiste, donc parfois un peu obtus par définition, et donc je m'intéresse surtout à en quoi ça produit des effets de marchandisation, mais j'essaierai d'expliquer en quoi c'est un sens de marchandisation qui est peut-être quand même un peu large, un peu moins trivial que la critique première qu'on peut en faire. Donc je vais commencer par rapidement poser un peu les questions idéologiques qui vont avec la question de marchandisation, enfin essayer de traduire ça idéologiquement, et après j'insisterai à partir d'un exemple du rôle de la quantification dans ce processus. Donc l'idée de départ, c'était cette vision un peu forte du néolibéralisme comme un nouveau mouvement de privatisation généralisé, un peu comme la naissance du capitalisme, où des choses qui n'étaient pas capitalistes le deviennent. Et donc c'est David Harry qui parle de ça et qui dit qu'il y a un en dehors du capitalisme qui est très mobilisé depuis les années 70 et même après, en fait de façon permanente, où des choses qui n'étaient pas dans le marché capitaliste, des secteurs qui ne servaient pas à l'accumulation capitaliste, sont absorbés et du coup permettent au capitalisme de se développer sur un espace plus grand. Alors il y a une partie géographique dans le travail d'Harvey, parce que c'est plutôt un géographe, mais il y a aussi une partie sectorielle, et donc sur un même territoire, on peut avoir de nouveaux secteurs, tout rapport avec la SNCF, les aéroports, les autoroutes et tout ça, serait exactement l'idée de David Harvey. Et Harvey mentionne l'éducation pour faire plaisir, parce que c'est le terrain sur lequel moi ça m'intéresse. Et donc l'idée, c'est pas du tout de penser la marchandisation comme la privatisation ou la vente, un côté très directement marchand, matériel, mais plutôt du point de vue subjectif, idéologique, de comment cette transformation produit des effets dans la façon dont on imagine les nouveaux secteurs marchandisés, dont on se les représente, dont on entre en relation avec eux. Et donc qu'est-ce que c'est faire des études ou enseigner dans un secteur qui est marchand par rapport à un secteur qui ne l'était pas. Après, il se trouve qu'en plus, peut-être qu'il y a un capitaliste qui va avoir un capital qui va s'accroître grâce à ça, mais c'est une autre question que je laisse à David Harvey au moins temporairement. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans la marchandisation, c'est le changement de statut, le changement de rôle. Pour le dire dans les termes de Richard Sobel, le mode d'existence des rapports sociaux, donc le rapport social lié à l'éducation, change de mode d'existence si l'enseignement ou l'enseignement supérieur est marchandisé. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'essaie d'aborder à partir du fétichisme de la marchandise de Marx pour essayer de comprendre cette idée que les objets existent socialement, pas de façon naturelle, de façon construite, et qu'une des façons d'exister, c'est le fétichisme de la marchandise. Donc on pense de façon un peu spontanée, enfin, on se rend plus compte, c'est naturalisé, que c'est normal que, je sais pas, l'eau en bouteille soit marchande, alors que, évidemment, c'est pas une propriété spontanée de l'eau en bouteille, ni de l'eau, ni de la bouteille, a priori. Et donc, voilà, aujourd'hui, en France, on pense pas que l'enseignement, c'est normal que ce soit une marchandise, mais dans un certain nombre d'autres pays, c'est le cas, y compris d'ailleurs avant le supérieur. Voilà, donc c'est un sens de marchandisation qui est celui du mode d'existence, du rapport qu'on entretient avec l'éducation dans notre cas, enfin avec l'enseignement supérieur. Voilà, j'ai mis aussi Chris Newfield pour montrer que je ne suis pas le seul complètement dingue à avoir ce genre d'idée. Et donc c'est la question de la subjectivité des acteurs qui est en jeu. Et le lien avec la quantification, ce que je vais essayer de présenter un peu plus précisément maintenant, c'est que ça n'arrive pas uniquement par des discours tenus par des ministres ou dans des journaux. Ça se traduit un peu plus matériellement à travers un certain nombre d'outils, de dispositifs, qui rendent un peu obligatoire cette façon de d'entrer en rapport. Et je pense que la question qu'on a autour de Hal, c'est un peu ça, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont les formes obligées de publication ou au moins de référencement des publications et d'un certain nombre d'autres productions universitaires qui vont nous amener à considérer qu'une création universitaire, c'est un article dans Hal. Et si c'est pas un article dans Hal, bah, c'est pas une création académique, c'est une correspondance que vous avez eue avec quelqu'un, c'est des notes que vous avez prises dans un séminaire, mais ça devient pas, ça change ça pas, ça acquiert pas le vrai statut qui serait celui de marchandise si on va jusqu'au bout de cette idée-là. Très vite sur, peut-être pas très vite sur ça, mais sur le côté idéologie. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les travaux d'Alain Desrosières sur la quantification, que je rappelle en deux mots là. Vous m'arrêtez s'il faut, ou au contraire, ça sert à rien. Mais l'idée de Desrosières, c'est que représenter quelque chose par des nombres, par des statistiques, par des indicateurs, c'est une opération qui n'est pas du tout anodine et qui n'est pas une description. Là, on retombe sur la différence entre SHS et sciences de la technique et de la matière. Sciences inhumaines, qui est que les choses n'existent pas, en sciences sociales en tout cas, spontanément sous une forme mesurable. Et donc il faut un travail pour les rendre mesurables, ce que Desrosières appelle la convention, l'opération de convention. Et une fois qu'on a choisi des conventions, une fois qu'on a réussi à les imposer, et l'État est très fort pour ça, et ben après il reste juste à mesurer, et au bout d'un moment, les gens sont habitués à ce que les choses se présentent dans la convention, et donc qu'elle soit immédiatement mesurable, alors qu'avant la convention, et puis à un certain moment de crise, ça devient complètement insupportable et les gens résistent à la mesure. Les sociologues ne veulent pas mettre leur publication dans Hal, par exemple. Donc vous avez ça sur plein de phénomènes étudiés par Desrosières et d'autres sociologues et économistes des conventions. Et Desrosières fait un truc qui est très utile pour nous ici, qui est de faire des typologies de rôle de l'État, en particulier dans l'économie, et de mode de statistique. Et donc le mode dans lequel on est, le mode néolibéral, c'est un mode d'action où au lieu d'avoir une définition par le droit, on a plutôt des incitations économiques, bon là vous reconnaissez sur Foucault, entre autres, et l'idée est que on va avoir une forme de statistique qui permet aux acteurs de se comparer les uns avec les autres, d'être en concurrence au moins vis-à-vis des indicateurs, si ce n'est pas une concurrence marchande. Donc on va avoir des palmarès, des rankings, comme le classement de Shanghai par exemple, et puis des indicateurs, le nombre de publications par chercheur ou par euro dépensé, etc., etc. Et donc on va créer un espace quantitatif de représentation du système d'enseignement supérieur et de recherche, dans mon cas, qui est propice à la concurrence, qui est propice à l'évaluation par une puissance extérieure et pas par les acteurs eux-mêmes. Ok. Et donc l'idée, c'est que dans le cas des sciences, quand on les quantifie, avant l'étape de mesure, on fabrique des conventions, donc on redéfinit ce qui est le cœur de la production scientifique et ce qui est les marges, voire le surplus de la production scientifique. Et donc on va renforcer ce qui est mesuré et on va invisibiliser ce qui ne l'est pas. Donc dans le cas le plus classique en sciences sociales, c'est que les publications dans des revues à comité de lecture, en particulier internationales, vont être très renforcées par cette nouvelle définition ou cette convention de la production scientifique. Et les livres vont l'être beaucoup moins, voire on va être désincité à produire des livres, on va être incité à revendre un livre sous forme de 4 articles, si possible dans 4 revues différentes, dont 3 en anglais. Et puis en même temps que ça redéfinit, ça met le projecteur sur certaines choses et ça en cache d'autres, ça va donner une forme de structure un peu plus contrainte, un peu plus mécanique. On peut parler de réification, c'est-à-dire que ça va donner une forme de distance vis-à-vis du producteur et de forme un peu standardisée. Donc moins personnel, moins subjectif, moins contextualisé. Je reviendrai un peu sur ça aussi. Et qui permet l'appréhension, la compréhension par d'autres acteurs, les évaluateurs, plus ou moins experts, qui sont pas forcément des pairs, qui peuvent être simplement des gestionnaires, et puis pourquoi pas des consommateurs qui vont devoir faire un choix entre différents labos pour des acteurs technologiques, par exemple, et puis différents universités pour des étudiants, ou pour des banquiers qui font des prêts à des étudiants. Donc avoir quelque chose d'immédiatement compréhensible, sans avoir la moindre idée de ce que c'est que la physique nucléaire ou la sociologie pragmatique, c'est quand même très pratique dans ces cas-là. Voilà. Et alors l'exemple que je voulais étudier aujourd'hui, c'est celui du REF, qui est l'équivalent de l'HCOS en Angleterre, mais pas du tout équivalent, qui est une agence qui produit des évaluations régulières, tous les 4 ou 5 ans, je crois, des laboratoires de recherche, les départements d'Angleterre, et qui a comme mission, ça c'est le site du REF, d'évaluer en donnant une information de benchmarking et un établissement des talents de réputation. Donc, je ne sais pas si vous sentez l'impératif pour vos laboratoires d'obtenir quelque chose de ce type. Et ça permet surtout au public de prouver que les dépenses fiscales sont utilement mises à profit de façon efficiente. Voilà. Alors ça, c'est juste pour la touche chauvine. En France, ce n'est pas le cas, mais c'est regretté par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Thierry Coulon. Et vous n'allez pas y lire parce que c'est un extrait des Macron Leaks, mais j'ai recopié pour vous. L'inquiétude de Thierry Coulon pendant la campagne présidentielle, au moment où il s'agissait de mettre en place le programme du candidat Macron et pourquoi pas le programme du président Macron, il faut savoir si c'est la même chose, c'est une autre discussion, c'est que l'agence d'évaluation, la HCRS qu'on a déjà en France, n'a pas d'effet, en tout cas direct, sur l'allocation des moyens. Et c'est le cas du REF, pour le coup, beaucoup plus brutalement. Et donc, ce qui semble apparaître comme un programme à mettre en œuvre pour Thierry Coulon dans les Macron Leaks, c'est cette corrélation entre l'évaluation et l'allocation des moyens. Thierry Coulon, c'est l'actuel conseiller à l'Élysée pour les questions d'enseignement supérieur et de recherche du président de la République. C'est le vrai ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà. Et du coup, de façon un peu symétrique à la réification des personnes, on a une personnification des choses. Donc le pouvoir et le centre de l'attention passent des chercheurs à des dispositifs et des productions plus matérielles, donc, avec une forme de contrainte de l'évaluer par l'instance d'évaluation plutôt que celui qui veut mesurer ou évaluer sur la réalité des pratiques, si vous voulez. Donc on a un truc typique de la quantification en général, mais sous la forme néolibérale, de transformation de forme et d'échange des rapports de pouvoir, enfin d'inversion dans les rapports de pouvoir. Bon, mais je voulais pas trop développer sur ça ici. Alors je passe rapidement à la deuxième partie. Alors ce mécanisme, pourquoi c'est un mécanisme de marchandisation et pas uniquement un mécanisme de gestion ou de rationalisation? Il y a ça dans la littérature, l'idée que ça modernise. Alors évidemment, moderniser, c'est modifier les choses, donc il y a des résistances. Mais il y aurait un sens plus ou moins naturel du progrès, et c'est mieux d'avoir des représentations quantitatives que chacun a un avis subjectif, plus ou moins formulé de façon qualitative. Donc, moi, j'essaye d'avancer l'idée que c'est pas simplement plus moderne, c'est pas simplement une façon d'évaluer ou de gérer, c'est une transformation qui va vers la marchandisation. Alors pourquoi ? Parce que un des effets que ça produit, c'est un effet d'abstraction. Je parlais tout à l'heure du contexte. Ça va demander à un format homogène, à une échelle de plus en plus large pour les différents travaux. Le cas de Hall est significatif. On va avoir la même plateforme pour toutes les disciplines et pas des choses qui dépendent de l'histoire de chaque discipline, qu'ont décidé certaines d'avoir, des collections dans des maisons d'édition, d'autres vont avoir une énorme revue qui va avoir des résumés de tout ce qui se publie, et puis d'autres vont avoir des plateformes qui centralisent. Donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Et un des effets très parlants pour ça dans le cas du REF, c'est qu'il va y avoir un affinement de la mesure. On va essayer de plus en plus précis d'un point de vue quantitatif dans l'évaluation. ce qui suppose que les choses soient suffisamment bien normées pour être évaluables de façon très précise. Et puis il y a une expansion à l'inverse dans la commensurabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de disciplines qui sont évaluées ensemble par le même jury. Ce qui demande évidemment que soit le jury soit infiniment qualifié, soit qu'il étudie de façon déjà médiée par un certain nombre de dispositifs de quantification. Et donc on a une réduction du nombre de disciplines dans l'histoire. Alors je crois que l'idée, après voilà, c'était ça, c'était de vous montrer à quoi ça ressemble un tableau du REF pour évaluer un labo de recherche en Angleterre. Et l'élément central, c'est la classification des productions du labo suivant 5 catégories. La catégorie maximale qui est de pointe mondiale. Donc là on va avoir une certaine proportion des publications du laboratoire qui rentrent dans cette catégorie. Donc là, vous avez vraiment cette histoire de convention. On définit 5, pas 6, pas 7, pas 3, 5. Et ces 5-là. Et du coup, ça va obliger les publications à rentrer dans des cases. Donc on a ces 5 cases-là. Et suivant la case dans laquelle on est, on a un coefficient REF plus ou moins élevé. Et progressivement, aux différentes exercices d'évaluation, période après période, on va baisser les coefficients du bas et monter les coefficients du haut pour, disons, définir de façon un peu plus forte ce qui est une bonne publication et puis un peu plus brutale, une mauvaise publication. Et donc reconnu nationalement et passé équivalent à inférieur au standard, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas une vraie publication puisque ça ne compte pas. Et pour le faire rapidement, ça ne compte pas, ça veut dire que ça ne donne aucun moyen puisque à la fin, on a une formule qui mécaniquement traduit l'évaluation en 5 catégories en quantité de pounds que le labo obtient pour les 5 prochaines années. C'est à un tel point mécanique que les laboratoires vont demander à des cabinets de conseil d'évaluer en avance le laboratoire pour pouvoir optimiser la façon dont on présente le labo à l'agence d'évaluation et peut-être à retirer un chercheur qui n'est pas très performant et qui fait baisser la note moyenne ou au contraire à essayer d'embaucher quelqu'un. À quel salaire c'est rentable d'embaucher quelqu'un suivant ce qu'il va apporter dans l'évaluation par le REF, et donc très concrètement en termes de moyens. Voilà, on a ce type de mécanisme qui se produit, et voilà le retour de Thierry Coulon. Dans ce sens-là, on voit bien le côté marchandisation, hein, puisque c'est, y compris dans les termes, hein, c'est considéré comme des parts de marché. Donc on a une quantité de publications multipliée par un coefficient qui dépend de la qualité de cette publication, qui va permettre de mesurer la part de marché du labo quand on la rapporte à la totalité des publications pondérées au niveau national. Et donc on rétribue directement par des financements. Je ne sais pas s'il me reste quelques secondes encore. Et donc l'étape finale un peu dans la marchandisation, ce n'est pas la mise sur le marché, ce n'est pas le fait qu'il y ait une vente concurrentielle avec des vrais clients. C'est le fait de traduire sous forme monétaire la production et le travail, donc le résultat du travail, si vous voulez, les flux du travail. Donc c'est en ça qu'il y a une marchandisation du travail académique, puisqu'il est rétribué, non pas le travailleur académique, mais l'entreprise ou l'établissement qui l'emploie, en proportion de la production, suivant sur quel secteur de marché il se place, de pointe mondiale ou uniquement nationale. Et donc ça l'amène à rendre commensurable, avec ici une traduction monétaire directe, hein, un niveau d'abstraction maximale si vous voulez, avec tout le reste de la production dans l'économie nationale et internationale, puisqu'on peut comparer la valeur de la production d'un universitaire avec la valeur de la production d'un ou d'une salariée dans le reste de l'économie directement. Et puis après on peut faire un calcul évidemment de productivité en divisant par le salaire de l'universitaire. Voilà. Et Elsa Boulet a travaillé plutôt sur la partie enseignement et on a le même type de mécanisme qui se passe pour les frais d'inscription. Donc on va avoir une traduction des heures de cours sous forme de frais de scolarité obtenus pour l'université avec des choses assez subtiles et assez approfondies, hein, puisque vous allez avoir des transferts de frais de scolarité entre départements d'une même université quand vous avez un étudiant de sociologie qui va suivre un cours d'éco, ou un étudiant d'économie qui va suivre un cours de maths. Du coup, comme il a payé les frais de scolarité au département d'économie, il faut que le département d'économie transfère au département de maths qui a fait des cours, etc. Vous avez vraiment un côté où l'heure de cours se traduit directement en financement. Voilà, et donc la conclusion, je m'arrête vraiment, c'est qu'on n'a pas besoin du marché réel, ni du côté recherche, puisque là c'est complètement l'État qui paye, qui finance en fait, ni du côté enseignement, parce qu'en fait en Angleterre, même s'il y a des frais de scolarité qui sont très élevés, en réalité ils sont en intégralité payés par l'État, mais en échange, l'étudiant se retrouve endetté et devra rembourser l'État, mais c'est pas directement l'étudiant qui paye, donc on n'a pas de réel marché ni du côté éducation, ni du côté recherche. Et en même temps, on a un fonctionnement qui correspond complètement. Et donc, en ce sens-là, on a une marchandisation sans marché. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Ben là, pareil, on prend quelques minutes pour questions. Je disais questions tout à l'heure, mais on a aussi des suggestions. C'était très intéressant ton exposé. D'abord, pour signer les faits, pour approuver la position intellectuelle consistant à dire que la marchandisation ne nécessite pas le marché, mais on est sur des mécanismes quasi-marché, là, et ça peut vous intéresser. Il y avait un concept en sciences politiques, sociologie des organisations dans les années 80-90, qui s'appelait le MTM, mécanisme de type marché, qui est un concept de New Public Management, typique, qu'on va retrouver par exemple, dans une revue dans laquelle j'ai commis quelques articles, politique et management public, dans les années 80-90, pour moi, des dizaines de collègues qui travaillaient sur des mécanismes de type marché, c'est-à-dire comment incorporer dans le fonctionnement des services publics, justement, des régulations quasi automatiques, ou équivalentes à celles observables sur les marchés en France, pur et parfait. Donc, c'est pas du tout un hasard. C'est structurellement incorporé dans la doctrine du management public. Moi, je suis côté STM plutôt, mais je vais faire plusieurs remarques. Je dirais que cet aspect, la phrase de Thierry Coulon, je dirais que c'est à la limite faux, parce que c'est déjà fait, malgré tout, de façon masquée, cachée, mais c'est déjà en grande partie fait, parce que, par exemple, on a été très content de voir la suppression du passage de l'ARS à l'HCERS, du classement ABC, et en particulier de la répartition dans les universités des moyens récurrents en fonction de ce classement ABC, qui était aussi une façon de répartir les moyens par rapport aux résultats. Mais par contre, ce à quoi on a assisté, c'est à une baisse des financements récurrents de tous les labos et à une augmentation des projets. La première chose qu'on nous demande dans les projets, c'est les travaux antérieurs et quels sont leurs facteurs d'impact, quels ont été leurs facteurs d'impact. Donc, on le retrouve par ce biais-là. Voilà. Effectivement, le management par projet qui s'est développé continue tout à fait l'évolution quantitative. D'autres remarques? Oui, on voit très bien en quoi cette abstraction du travail universitaire transforme le travail réel, soit d'enseignement, soit de recherche. Là qu'on va bien le processus de marchandisation au quotidien, on le sent bien pas, etc. Mais le travail réel, c'est ce qui devient, ce qui existe toujours. Le chercheur, c'est toujours quelqu'un qui. Les recherches. On voit bien la reconnaissance salariale, ça peut induire, mais on ne voit pas son travail réel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tu veux répondre ? Pourquoi pas ? Je crois qu'il y a d'autres gens qui voudraient répondre. Ouais, moi, je vais faire réagir. Moi, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on puisse considérer que l'essentiel des pratiques d'un chercheur se limite justement à la recherche. Si on regarde justement tout le dispositif d'accompagnement du soutien administratif à la recherche qui se traduit quand même comme peu de chagrin, et quand on voit toute la part du travail administratif, de coordination, d'organisation qui revient aux chercheurs qui sont maintenant plus jeunes, je suis pas sûre quand même que la recherche constitue l'essentiel de leur pratique professionnelle. Se rajoute à ça, effectivement, l'impératif à trouver des projets de plus en plus importants, de remporter au niveau européen, qui sont très difficiles, très coûteux, mettre en place, en termes de candidature, etc. Il n'y a pas de projet européen, enfin, de manière générale, clairement, les trajectoires passent essentiellement par des projets, par des directions publiques, des projets. Ça, ça prend énormément de temps. Je ne suis pas sûre que la recherche, et encore ça dépend des institutions, donc on va essayer de comprendre par eux. Je ne suis pas sûre que la recherche constitue l'essentiel de l'éthique professionnelle des chercheurs aujourd'hui. Et encore ça dépend de l'âge social des chercheurs, de leur statut, et des institutions de recherche. Pour enchaîner sur cette question, d'abord, je pense que la réponse va encore varier suivant les domaines scientifiques nécessaires et sur la technique et la matière. Donc, je ne sais pas quelle est votre propre expérience disciplinaire qui vous amène à poser ces questions, mais en SHS, il y a quand même une dimension du travail concret du chercheur qui est celui de l'évaluation de la qualité de la recherche, et cette évaluation, on l'a fait sur chaque article scientifique, on l'a fait individuellement. Donc elle fait partie intégrante de notre travail, c'est-à-dire qu'on arrive avec des indices éventuellement favorables pour lire un article, mais ensuite on réévalue en permanence, suivant des critères extrêmement variables d'un lecteur à l'autre, on va chercher la qualité, l'intérêt, méthodologique, l'objet, la démonstration, fondement bibliographique, fondement empirique, tous ces éléments-là. Et là, dans les systèmes qu'on est en train d'examiner, les chercheurs se font des possibles une dimension importante de leur travail concret, dont ils perdent la maîtrise radicalement, en ce qui concerne notamment la manipulation des critères de correlation, qui est une manipulation infinie, et qui, pour les SHS, repose le problème du rapport aux valeurs. C'est beaucoup plus fort pour les SHS que dans les thèmes, valeurs philosophiques, valeurs esthétiques, valeurs politiques, avec donc, des intérêts gouvernementaux importants par rapport à ces valeurs, et peut-être d'une façon. Explicite et concrète, je vous donne un exemple immédiat d'incidence sur le travail des chercheurs. Quand la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France décide de supprimer les critères genre sur la plateforme de financement des thèses de doctorat et des programmes de recherche, c'est-à-dire tout ce qui a trait au genre, mais aussi aux discriminations et aux inégalités, c'est par l'intermédiaire de la manipulation des plateformes et de ces critères qu'elle a une incidence sur l'agenda scientifique, c'est-à-dire sur la capacité d'une communauté scientifique à traiter un certain nombre de sujets. Et ça, c'est particulièrement écrasant sur les SHS. Ça peut être important aussi sur les SCM. Certains collègues qui travaillaient, par exemple, sur les questions d'OGM, disaient la difficulté qu'ils avaient à travailler dans un laboratoire, passant des partenariats et concentrés sur le développement des OGM, à travailler sur les effets pervers ou délétères des OGM en cas de dissémination. Et là encore, c'est une problématique d'agenda scientifique sur lequel la perte des critères d'évaluation de la qualité. Fatale à des tentatives de recherche. Donc là, il y a un atteinte sur le domaine juste sur ce point-là, pour parler un peu côté STM, je dirais que ça va changer dans le sens où on ne va pas publier au même endroit. On ne va donc pas publier de la même façon. Et dans notre domaine, les lettres sont vraiment très cotées. Et dans une lettre, je dirais qu'il n'y a rien sur le fond. On a beaucoup de choses sont dites, mais si on veut refaire l'expérience complètement, il va falloir passer à autre chose. Donc ça change complètement la façon dont on transmet les données par la suite et ce qui est vu après, parce que finalement, c'est que la lettre qui est importante. Ben, personne n'ira voir si derrière, on a publié l'article de fond qui va avec. Moi je voulais réagir sur deux choses. Alors je pense que les appels à projets, c'est clairement une grande transformation qu'on a eu en France qui anticipe un peu ça, mais je pense qu'on a tendance à oublier les salaires. Dans les appels à projets, c'est l'argent pour faire la recherche, mais en réalité on continue à être payé et c'est quand même encore une énorme partie du financement qui est du financement récurrent quand même, quoi, même si on le voit moins, quoi. Alors ça, évidemment, c'est pas les salaires des précaires, hein, et là pour le coup c'est quand même une part très importante de la recherche aussi, hein, donc voilà, c'est une phase intermédiaire. Je pense qu'elle s'inscrit complètement là-dedans. Il n'y a pas de... voilà. Dans la transformation du travail réel, je pense qu'il y a un mécanisme que j'ai pas mentionné, mais qui est la répétition des évaluations. qui fait que, alors, en particulier quand on est précaire et quand on est jeune, ça, c'est quasiment naturel parce que ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, si on a un financement de thèse ou un financement de postdoc, c'est parce qu'on a obtenu un, parce que le directeur a obtenu un financement de projet, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait de la recherche. Mais même pour les anciens comme moi qui ont obtenu un financement de thèse sans appel à projet et puis un poste, très vite, le fait de savoir qu'on va être évalué de façon régulière et que le labo va nous demander de rentrer dans les trucs, etc., etc., ça fait qu'à la fin, on anticipe la façon dont on va être évalué dans la façon dont on travaille dès le départ. Et donc voilà, j'ai un doctorant qui commence une thèse, je sais qu'il faut qu'il mette dans son projet de thèse pour obtenir le financement, qu'il va publier vraisemblablement un article relativement vite et puis il vise 3 parce qu'il a construit sa thèse pour avoir 3 articles, et qu'il va falloir qu'au bout de 6 mois de thèse on commence à prévoir comment ça part pour sortir ce premier article qui est la condition pour qu'il puisse candidater un jour comme maître de conférence. Donc on va organiser la thèse en fonction de la publication et du coup de l'évaluation en fait par le comité de sélection plus tard si passe mettre de conférence ou par le labo qui le recrutera en pensant à la propre évaluation du labo. Et il y a au moins un cas que je connais en sciences humaines qui a été étudié de près et que vous avez croisé dans l'escalier, qui est Esther Duflo, le laboratoire d'économie expérimentale, qui a été étudié par Arthur Jatto, qui fait une thèse sur cette méthodologie en économie, et qui a croisé des expérimentateurs en économie hein, qui vont en général au Kenya faire une expérience en réel, qu'on donne un peu d'argent à certains villageois et pas à d'autres pour voir quel effet ça produit sur leur futur, ou alors on leur donne des médicaments pour pas qu'ils soient malades et qu'ils puissent travailler ou qu'ils n'ont pas pu aller à l'école. L'expérience est designée en pensant au nombre de publishable units qui va en sortir. Donc on découpe en articles, en pensant aux différentes revues auxquelles on va pouvoir publier l'expérience. Et si on sent que l'expérience ne va pas produire un article ou pas assez d'articles, modifie l'expérience. Même si sur le fond du résultat, la version 2 est beaucoup moins intéressante que la version 1. Ce qui compte, c'est la capacité à publier les résultats. Dans le processus de design, de réflexion, de la recherche. Donc là, c'est documenté un peu précisément dans la thèse d'Arthur. Voilà, c'est ethnographique, hein, la transformation matérielle du travail. Après, je pense que tout le monde a vécu des expériences où on sent venir l'évaluation et on modifie ses comportements, mais là c'est systématisé, quoi. C'est pensé, et c'est ça qui fait d'ailleurs que, en partie, hein, que cette façon de faire de l'économie a pris beaucoup de poids, que c'est bien installé au MIT et à la Paris School of Economics, et voilà, c'est une bonne façon de faire de la recherche dans le cadre tel qu'il se dessine. Dans ton exposé, hein, aussi une dimension intéressante sur laquelle je vais peut-être relancer la discussion, c'est sur tout ce que tu nous as appris sur la REF en grand domaine. Sur dans le domaine numérique, quand on écoute les ministres, tous les pays d'ailleurs, on est toujours en retard. Ça, c'est vraiment systématique, c'est tellement universel qu'on se demande par rapport à quoi elle mesure les retards. Mais là, on voit que c'est quand même ça présente de sérieux avantages d'être en retard. Ça permet d'aller voir dans les autres pays comment ça se passe et donc d'anticiper sur nos propres évolutions. Et c'est vrai que quand on parle du management, de néo-management, ça a l'air toujours un peu doctrinal, etc. Là, avec tout ce que tu nous as dit, c'est vraiment extrêmement très concret avec l'impact budgétaire, comme j'ai l'occasion clairement fait apparaître. Et puis, aussi, que tu as évoqué rapidement, c'est l'impact mis à l'écart du chercheur. Alors que dans certaines disciplines, et là aussi, moi, je dis très souvent mon propos, ce que je connais, les SHS beaucoup mieux que les STM, mais la question des chercheurs comme ça, mis à part, repose le problème du rapport au paradigme dominant dans les disciplines. Et parce que reproduisant, ça veut dire reproduisant dans les supports de publication correctement classés. Voilà. Et les classements ne sont jamais neutres sur le plan paradigmatique. Et si on prend évidemment la trop facile filière de sciences économiques en France, là, les choses sont particulièrement objectivées. C'est-à-dire qu'on a une domination aujourd'hui quasi-hégémonie du paradigme néolibéral sur la section 05 du Conseil national des universités, qui écarte systématiquement toutes les formes d'hétérodoxie en sciences économiques, l'évaluation, les promotions, les gestions de carrière. Tous les économistes dits hétérodoxes, que ce soit keynésiens, post-marxistes, ceci, cela, je ne sais pas toute la série, les formes d'hétérodoxie en sciences économiques sont écartées. Est-ce que c'est plus intéressant pour la société de réduire la science économique à un seul paradigme? L'histoire de la science économique depuis un siècle nous démontre le contraire. C'est-à-dire qu'elle n'a été finalement féconde pour la société que dans la mesure de ses controverses entre paradigmes. Il y a paradigme unique, on arrive sur une science économique qui reste extrêmement stérile dans tous les régimes politiques, d'ailleurs, quelle que soit la tendance du paradigme. Là, la domination néolibérale pose le problème que je viens d'évoquer. Enfin, la domination du paradigme marxiste dans les sciences économiques de l'Union soviétique dans les années 40 et 50 posait exactement le même problème de stérilisation de la discipline. Et c'est là où on voit que le pluralisme paradigmatique, et il est flagrant en sciences économiques parce que tout le monde connaît, mais on le retrouve dans toutes les sciences humaines et sociales, cette diversité paradigmatique, et la nécessité des controverses. Ces systèmes d'évaluation centralisée propulsent des formes de pensée unique dans tous les domaines qui sont extrêmement stabilisants. La solution aujourd'hui qui semble se dessiner pour les économistes, c'est de créer une nouvelle section. C'est une qui s'appellerait économie, société, tous les hétérodoxes. C'est vrai qu'enfin, ça va recommencer à vivre normalement. C'est très intéressant ce que tu dis, je ne connais pas du tout. En France, il y a l'histoire des noms publiants à un moment, si j'ai bien compris, c'est pas très loin du passage de l'ARES à l'HCRES, c'était autour de cette controverse. Du coup, je te le laisse. Voilà. Et en Angleterre, il y a une stratégie pour éventuellement sortir des gens du périmètre d'évaluation avec deux enjeux. Le premier, c'est, mais ça nous on connaît un peu plus, c'est qu'il y a des gens qui vaut mieux ne payer que pour enseigner, surtout le même prix. Et du coup, ils vont faire deux fois plus d'heures de cours. Dans les modulations de services et tout ça, on sent venir. Il y a un autre élément qui est que... Alors le REF, il mesure le volume produit. Donc si vous avez 10 chercheurs ou 20 chercheurs, ça ne change rien. Il vaut mieux avoir plein de chercheurs et publier beaucoup. Mais il y a d'autres mécanismes d'évaluation, plutôt dans les classements, qui dépendent de l'intensité. Et donc, on va utiliser l'évaluation du REF divisé par le nombre de chercheurs. Et donc là, il vaut mieux pas avoir trop de chercheurs. Et donc là, il y a un calcul savant à faire. Est-ce que ce que je vais gagner en subvention, finalement, ça va me coûter après parce que je vais baisser en réputation sur le classement et j'aurai moins d'étudiants. Et donc, ils font des arbitrages de ce type-là et ils sortent des gens d'évaluation qui, au premier degré, pourraient sembler absurdes. Juste un point à commentaire, c'est-à-dire qu'en Angleterre, donc, c'est plutôt l'Angleterre, c'est pas tout à fait le même, après le REF, qui quand même date depuis 15 ou 14 ans, c'est avancé pour eux, qui finalement est un peu dans la même démarche, toujours de lier une évaluation pour une excellence et de le financement à ça, et bien ils font le Teaching Excellence Program. Donc en fait, exactement le même mécanisme est mis en place pour. Lier le financement de la pédagogie, de l'enseignement, en fait, des formations avec exactement ça arrive chez nous aussi, ne vous inquiétez pas. Dans deux ans, c'est chez nous aussi, ça.